Ici André Guy, maire de Dolbeaume-Sessigny. Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour offrir à tous les citoyens des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Que cette période propice aux retrouvailles vous permette de passer du bon temps avec ceux que vous aimez. Je vous invite également à faire preuve de générosité envers les personnes démunies pour qui cette période est plus difficile. Enfin, je vous encourage à faire vos achats localement pour contribuer à la vitalité économique de notre communauté. Joyeuses fêtes à tous! Le son des cloches nous fait passer à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Le propriétaire des magasins Sport Expert de Roberval et de Dolbeau-Mistassini, M. Stéphane Leroyer, souhaite un joyeux Noël et une bonne année à toute la population et remercie la clientèle qui l'a encouragé tout au long de l'année qui se termine. Soyez prudents et amusez-vous avec vos proches. Sport Expert à Dolbeau-Mistassini et Roberval au numéro de téléphone 418-276-3010 ou encore le 275-3744. On continue nos grandes entrevues pour parler des castors de Dolbeau. C'est suite évidemment au livre qui est sorti dans le temps des fêtes. Je vous invite d'ailleurs à aller vous procurer le livre de Michel Simard, toujours très très intéressant. Il est à la librairie centrale, il y a 700 copies en tout et partout. Et faites vite parce qu'il n'y aura pas de deuxième réimpression. Et là, on parle avec un autre attaquant des castors. Un gars que je connais quand même assez bien, qui a été longtemps impliqué dans le hockey, qui va voir des matchs de hockey encore, c'est Gratien Guy. Salut Gratien! Salut Danny, mais ça va? Ça va bien, Gratien. T'as-tu vu d'abord, on va parler du livre un peu, t'as-tu lu le livre? Je l'ai feuilleté un petit peu, je ne l'ai pas lu, j'ai lu quelques parties, surtout les parties qui nous concernaient dans le temps des castors, des années 65. Ouais, j'ai jeté un coup d'œil, oui. Très beau livre, hein? Il m'a dit une affaire, là. C'est vraiment un beau cadeau que Michel Simard fait à la région. Moi, je sais pas comment est-ce qu'il a fait pour faire ça, parce qu'il y a de l'information pas à peu près. Quand t'es rendu à avoir les noms des joueurs de chaque équipe, les résultats des séries, les compteurs, les punitions, les fins cocasses, c'est tout, là. C'est tout un ouvrage. Ah non, gars, c'est vraiment génial. Toi, tu as joué avec les castors dans les années 65-66, à peu près, tu m'as dit ça. Ouais, ta mémoire, oui. Ouais, tu as joué avec Robert Sanzier, qui a fait une entrevue, Rémi Bernier également, comment j'ai pu comprendre? Oui, okay. C'est dans le même temps, c'est dans les mêmes années, oui. J'ai joué, deux, trois ans avec eux autres, oui. Et vous avez été une fois provincial? Oui, je peux pas te dire l'année. Là, on est allé, on avait gagné au niveau régional, puis on avait affronté les Livres de Verdun dans une finale, on peut dire, provinciale. Là, parce que dans le temps, je pense que ça allait à la coupe là, pour les juniors. Là. Mm. Puis dans ce temps-là, on était classé, je pense, à un niveau pour affronter ces équipes-là. Je sais que Verdun, après ça, avait joué contre je pense un champion de la Ligue junior d'Ontario, des choses comme ça. Là. C'était ça dans le temps. OK. Donc, tes bons souvenirs. Moi, écoute, je l'ai appris pas mal là-dedans. Là. Puis toi-même, tu l'as appris. Tu m'as dit que tu savais même pas que ça c'était que toi, tu voulais jouer pour Chicoutimi à l'époque. Et il y avait eu un avocat. Tu me l'as dit, on s'est rencontrés en ville, tu me racontais ça. Ça avait été en cours. Tu l'as su là, dernièrement. Même, je pense, dans le livre, tu l'as même appris, je pense. Hein? Dans le temps, moi, c'est parce que j'ai étudié au cégep de Chicoutimi. Okay. Je restais proche du centre Vézina. Puis, à un moment donné, je jouais dans les castors. Puis, tu sais, je ne pouvais pas pratiquer beaucoup, une quarantaine de fois par semaine, tu n'entends pas. Puis là, je me disais, si je pouvais jouer à Chicoutimi, ça ferait mon affaire. Puis, pratiquer deux fois par semaine, puis jouer fin de semaine. Mais là, ça ne s'était pas passé de même. Là, moi, tu sais, je n'étais pas de le boule, je ne savais pas, mais je pense à. Ça a brassé un peu au niveau de la Ligue en ce qui concerne de ce dossier-là. Puis là, en fin de compte, moi, j'ai su qu'il fallait que j'ouvre les castors. Ben, je ne pouvais pas jouer, c'était tout. Hein. Tu sais, Danny, quand il y a un cas qui concerne un joueur, le joueur n'est jamais questionné. Hein. C'est, c'est des décisions qui se prennent au niveau de la Ligue, puis faut que tu te conformes, t'as pas le choix. Oui, effectivement. Je pense pas que j'en ai eu depuis ce temps-là. Là. Ouais. Toi, ta force, Gratien, comme joueur, c'était un marqueur. Oui. Tant qu'à ça, oui. Je préparais des jeux, j'étais un assez habile marqueur. J'étais capable d'anticiper. Là. Tu sais, j'étais un patineur, disons, moyen, mais j'avais une bonne anticipation, puis j'avais l'œil pour le mettre dedans. Okay. C'était à peu près mes forces. OK. Robert Sageville, dans une de ses entrevues, lui, il a rendu crédit à feu Gérard Audette. On apprend dans le livre que Gérard Audette était un des bons instructeurs de l'équipe. Et on remonte des vieux souvenirs. Là. Parle-moi de ce joueur, cet entraîneur-là. Robert Sageville a dit qu'il m'a appris beaucoup de lui. Ben, moi, je vais te dire, j'ai pas une tonne de souvenirs. Moi, ce que je me souviens, c'était un gars très discipliné, qui était très exigeant. Okay. Puis il nous indiquait une manière de jouer, il fallait se conformer. Puis si ça marchait pas, ben là, tu sautais des tours, ben tu jouais sur le banc, là. Ouais. Moi, c'est les souvenirs que j'ai de ce gars-là, là, qui était un gars de... Okay. Donc, il y avait de la pointe. C'était les instructeurs du temps, là. Il y avait Claude Basque à Jonquière, c'était le même. Tu sais, c'était la méthode dans ce temps-là. OK. Ah, ouais, c'était, ouais, ouais. Tu joues. Ouais, oh, c'était pas comme aujourd'hui avec le dialogue, puis ainsi de suite, là. Non, c'était pas les parents qui indiquaient au coach comment coacher. Ouais, non, c'est ça. Puis, c'est bon point, Gratien, que tu m'emmènes là. J'ai oublié de parler. J'en ai fait plusieurs des entrevues, puis jamais on parle tout le temps de souvenirs. Mais dans ce temps-là, là, les parents, là, ils se mêlaient-tu des affaires comme dans le temps, où t'avais des gens, où il y avait des scènes assez disgracieuses comme on a aujourd'hui, genre. Tu vas parler au coach, mon garçon joue pas assez. Tu sais ce que je veux dire? Là? Il y en a-tu de ces histoires-là, dans ce temps-là? Bon, pas tellement, mais dans ce temps-là, là, moi, je me souviens, mes parents, ils s'en mêlaient pas du tout. Tu sais, c'était local, mais c'était géré par le milieu. Hein. Tu sais, dans l'administration, souvent, tu avais des notaires, des avocats, tout. Fait que les parents n'étaient pas représentés. Il n'y avait pas de comité de parents. Il n'y avait pas de ci pour ça. C'était géré à l'interne. Puis si le parent n'était pas content, il disait, retire ton flot puis salut. Hein. Dans le temps, je pense que vous ne payiez pas, par exemple. Les parents ne payaient pas. Comme aujourd'hui, ce qui est le cas, t'sais, le parent, il a toujours l'excuse de dire, ben, regarde, j'ai payé tant d'argent. Il peut toujours se défendre de là. Mais si je me rappelle bien, je me suis fait raconter que ça ne coûtait rien là, jouer pour dans ce temps-là. Ah non, c'est sûr. Puis dans ce temps-là aussi, c'était un des seuls sports. Fait que les gens, là, les jeunes, il fallait que tu fasses l'équipe locale. Puis une fois que tu avais fait l'équipe locale, disons que c'était un honneur, entre guillemets, là. Mais ça veut dire que une fois que tu étais rendu dans ça, là, tu suivais, tu payais pas, ils te transportaient, ils te dédommageaient un peu pour les repas. Puis c'était le même, ça marchait. Les parents font ça horrible, les patins, je pense. OK, OK. Toi, ton meilleur souvenir avec les Castors, c'est quoi? Bon, c'est sûr, c'est... un souvenir égoïste, c'est quand j'avais compté en supplémentaire pour éliminer les Saguenay du Coutumier en finale. Égoïste, c'est pas un souvenir égoïste, c'est un souvenir. Au niveau équipe, là, j'ai eu des années tellement de plaisir. Là, on avait une très bonne équipe, puis en plus, ben, physiquement, on avait quelqu'un à ligne bleue qui gérait la circulation, fait que c'était plaisant, peu importe où on allait jouer. Que ce soit Dolbeau, Labé, n'importe quoi, on était à l'aise, puis à ce moment-là, on pouvait exprimer nos talents, puis on a eu du plaisir, parce qu'on gagnait, là. OK. C'est le fun de participer, mais quand tu rajoutes gagner en plus, c'est encore plus, là, encore ben plus oui, plaisant. Ben oui, tu sais, des septièmes matchs, tu sais, je faisais des entrevues avec les équipes juniors, avec les coachs juniors, tu sais, ça fait 13 ans que j'existe, les Éperviers, les Castors, et ainsi de suite, puis quand il y avait un match décisif, je disais tout le temps au gars, je demandais toujours au coach, le gars, là, il va s'en rappeler pour le restant de ses jours, ce match décisif-là. J'imagine que toi, t'es grandi à quoi? À 70 à peu près, Cassie? À peu près. Ah, dans ce coin-là, oui. Oui, à peu près. 70 et un peu plus. Donc, j'imagine que tu te rappelles de ces matchs décisifs-là, même, hein? Ben, c'est sûr qu'on y pense pas, mais quand arrivent des événements comme le livre, ben là... Ouais. Tu sais, les souvenirs reviennent peu à peu, là, tu sais, à mesure que j'examinais ça, tu sais, je regardais, lisais les faits, ben là, ça me revenait en tête, là, c'est certain, là. Ouais, c'est sûr, quand on se rencontre entre anciens joueurs,